temps, la vie n'a été envisagée que dans une zone étroite, précise, à une certaine distance de l'étoile, une zone ni trop chaude, ni trop froide, surnommée donc boucle d'or, où l'on pouvait trouver de l'eau à l'état liquide. Cette notion de zone d'habitabilité a été revue récemment via l'étude de petits corps a priori très inhospitaliers des lunes glacées de Jupiter et Saturne. À trop chercher des traces de vie passée sur Mars, serions-nous trop vite passés sur la possibilité d'une vie microscopique sous ces épaisses croûtes de glace dans des océans au contact de dorsales volcaniques ou de sources hydrothermales? De prochaines missions spatiales devraient lever partiellement le voile. Lune glacée sous la glace, la vie, c'est le programme gelé qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour parler de ces lunes glacées, toutes très différentes et encore largement mystérieuses, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Sébastien Charnoz. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur à l'Institut de physique du globe et enseignant-chercheur à l'Université Paris Diderot. Et bonjour Michel Blanc. Bonjour. Vous êtes chercheur à l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie, visiting professeur au National Space Science Center de l'Académie des sciences de Chine. Vous pouvez suivre, eh bien, comme chaque jour, cette émission en direct sur les ondes de France Culture, en différé sur le site franceculture.fr, en podcast via l'application que vous préférez et en complément toujours via notre fil Twitter où on poste, eh bien, chaque jour, vous en avez l'habitude maintenant, un certain nombre de liens, de schémas, d'images, de références pour compléter l'écoute de cette émission. Pour commencer, eh bien, ces lunes glacées ont très longtemps été sous le radar, au sens propre comme au sens figuré. Les toutes premières missions à nous envoyer des informations plus détaillées sur ces petits corps gelés sont les sondes Voyager. Écoutez cette archive, nous sommes en novembre 1980 au Doigt Dolphus de l'Observatoire de Meudon. Eh bien, nous attendons essentiellement une vision de la planète tout à fait exceptionnelle. Puisque nos meilleurs télescopes nous montrent la planète qu'à une très grande distance, et là nous allons voir véritablement les détails dans l'anneau de Saturne, cet anneau si spectaculaire. Nous prévoyons que cet anneau doit présenter des structures très fines, il s'agit de petits grains de matière entourés de glace sale, de glace légèrement ternie, qui gravitent autour de Saturne à des distances diverses et qui s'organisent l'un l'autre pour former des anneaux subsidiaires, des limites claires et sombres. Et tout cela va nous permettre de mieux comprendre comment toute cette matière s'organise autour de la planète. Voilà le physicien astronome Audouin Dolphus dans Interactualité en novembre 1980. Alors on ne parle que des anneaux de Saturne, mais c'est tout de même Voyager, les deux Voyager d'ailleurs, Michel Blanc, qui ont commencé à nous donner des informations un peu plus précises sur ces lunes glacées qui avaient pour certaines d'entre elles pourtant été observées depuis Galilée. En effet, pour la première fois après Galilée, 400 ans après, on s'approchait très très près de ces lunes qu'on n'avait jamais résolues pour découvrir la diversité extraordinaire de leur composition de surface, des mondes glacés, mais des mondes géologiquement actifs auxquels on ne s'attendait pas du tout, je crois. Sébastien Charnoz, ça vous surprenait d'entendre la voix d'Audouin Dolphus? Non, non, parce que j'admire le travail d'archives que vous avez fait. Oui. J'ai croisé, à l'époque de mon doctorat dans les années 90, j'avais croisé Audouin Dolphus. Et je connaissais aussi Audouin Dolphus parce que ça avait été l'un des découvreurs des satellites de Saturne. C'est celui qui a découvert le petit satellite Janus depuis des observations télescopiques faites depuis le sol. Voilà. Donc c'était juste pour l'anecdote. Oui, oui, comme disait Michel, les deux missions Voyager nous ont fait découvrir un monde extraordinaire, un monde de diversité. Donc effectivement, les lunes de Jupiter, donc il y a les quatre grands satellites galiléens, mais il n'y a pas que ceux-là, les sondes Voyager. Les deux sondes Voyager qu'ont visité toutes les deux, le Jupiter et Saturne, ont en plus des satellites galiléens pour le cas de Jupiter, détecté, enfin, en tout cas discerné, une famille de petits satellites qui orbitent beaucoup plus près de Jupiter, qui sont aussi des lunes de glace, bon, qui s'évaporent, qui relâchent des grains, qui participent à la formation des anneaux. Et pour Saturne, alors là, il y a une diversité extraordinaire de satellites. Il y a à peu près plus de 60 satellites réguliers autour de Saturne. Voilà. 79 autour de Jupiter counting, comme on dit en anglais, parce qu'il n'est pas exclu qu'on Le compte n'est pas complètement voilà, fini, que ce soit complètement clos. On en découvre encore. Oui. C'est ça. Alors là, on va parler de certaines lunes bien précises qu'on appelle les lunes glacées. Ces lunes glacées qui nous intéressent parce que on a l'impression qu'elles sont des poches de zones d'habitabilité. On va revenir sur toutes ces questions-là et on va voir qu'il faut prendre beaucoup de précautions et que cela fait beaucoup de débats et anime beaucoup de controverses dans le milieu de l'astrophysique. Mais quelles sont-elles ? Ces lunes principales, ces lunes glacées avec océan sous-marin, sous une croûte de glace, auxquelles on va s'intéresser, leur liste en fait, Sébastien Charnoz. La liste, alors, le problème c'est que déjà il faut voir que l'océan on ne le voit pas. Donc il est pas, dans certains cas on a des traces de l'existence de cet océan, mais on n'est pas sûr d'en avoir la liste exhaustive. Donc pour le cas de Jupiter, donc il y a bien entendu Europe, peut-être la première lune glacée dont on a vraiment soupçonné l'existence d'un très gros océan souterrain. Ensuite potentiellement peut-être Ganymède, qui est le plus grand satellite du système solaire et qui va être visité par la future sonde européenne dont on va peut-être reparler, qui s'appelle JUICE. Callisto, c'est pas sûr, c'est pas très clair. Callisto, un point d'interrogation. Voilà. Ouais. Et pour Io, alors Io c'est plus un satellite de silicate, il y a peut-être un océan de magma, alors c'est encore un autre univers, on est plus dans l'univers chaud. Voilà. Alors par contre pour Saturne, on pense que certaines lunes ont des océans sous-marins. Alors bien entendu on pense que Titan en a un petit. Encelade, ce serait pas un océan mais ce serait plutôt des poches d'eau souterraines. Et Rhea, il y a aussi des soupçons. Donc la situation est moins claire pour les satellites de Saturne parce qu'ils sont moins connus et en plus ils ont une géologie qui est un petit peu moins bien comprise que ceux de Jupiter. Michel Blanc, donc on va voir que Europe et Encelade sont celles qui concentrent le plus de points d'interrogation, mais on ne peut parler effectivement de Callisto, de Ganymède, de Titan d'une certaine manière aussi. On va voir que tout ça sont des univers très très très très différents qu'on va essayer de détailler au cours de cette heure. Tout à fait. En fait, ces satellites sont composés en général d'un manteau de silicate comme une petite Terre, autour desquels, dans les conditions de leur formation, s'est formée une grosse enveloppe d'eau. Et cette eau, elle est gelée en surface, mais quand on descend en pression, quand on descend dans la profondeur, qu'on monte en pression et en température, en général, il est assez logique de trouver une poche d'eau à l'intérieur. Donc, c'est pas autant une surprise qu'on pourrait le penser, la thermodynamique va dans ce sens. Et donc, dans chacun de ces objets de glace, on peut imaginer qu'à une certaine profondeur, on va trouver un océan. Et le signal magnétique de la sonde Galileo a permis, par exemple, de montrer effectivement qu'à l'intérieur d'Europe, il y a un océan liquide. À partir de quel moment a-t-on commencé à s'intéresser d'un peu plus près et à revoir cette conception de zone d'habitabilité, de se dire, finalement, dans des conditions très extrêmes, radicalement différentes, il n'est pas complètement exclu que dans ces océans, puisque on sait que l'eau, jusqu'à preuve du contraire, est aujourd'hui l'une des conditions sine qua non de l'apparition de formes de vie qui seraient évidemment vraisemblablement primitives. Là, encore une fois, on met beaucoup de précautions autour de ça. À partir de quel moment on a commencé à s'intéresser, à se retourner un peu vers ces lunes glacées, Michel Blanc ? Il me semble que la révélation vient de l'époque de la mission américaine Galileo, qui a fait une inspection très très détaillée du système de Jupiter, les quatre lunes, qui les a survolées chacune plusieurs fois, et qui a permis de montrer, en particulier avec la magnétométrie, l'existence de poches d'eau souterraines, et même d'un océan global, pense-t-on, dans le cas d'Europe. Et effectivement, c'était une révolution, parce que tout d'un coup, on s'est aperçu que certes, l'eau liquide est une condition absolument essentielle pour la vie autant qu'on la comprenne et qu'on la connaisse aujourd'hui sur Terre, mais cette eau liquide, on peut la trouver sous la surface de mondes gelés. Donc je crois vraiment que c'était une reprise en considération du sens même des mondes habitables tout à fait considérable. Et en plus, c'était Sébastien Charnoz. Et je pense que, évidemment, c'était, comme le dit Michel, effectivement, un très grand changement de paradigme, si on peut dire, sur la question de l'habitabilité. Et en même temps, ça devait pas être si inattendu que ça, parce qu'on sait bien que si vous prenez, par exemple, le pôle Nord sur Terre, l'Arctique, de toute façon, on a tous fait l'expérience que la glace, si vous prenez de l'eau liquide et que vous commencez à la geler, la glace va se loger naturellement au-dessus de la poche liquide. Donc, par exemple, en Arctique, on sait tous que quand vous creusez sous la glace arctique, vous tombez sur l'océan arctique qui se cache en dessous. Voilà. Mais je pense que une des choses aussi qui a été très surprenante, c'est que on se serait attendu à ce que si on fait l'hypothèse que ces lunes se sont formées en même temps que les planètes, alors c'est une question un peu débattue. Ça aussi, on va en reparler. On aurait pu penser que ces objets avaient refroidi en gros sur l'histoire du système solaire. On se serait attendu à ce que tout aurait gelé. Et en fait, la découverte, ça a été que finalement ces objets ne sont pas complètement gelés. Il y a peut-être de l'eau dedans. Donc c'est-à-dire quelque chose qui les chauffe. Et un des mécanismes candidats qui pourrait chauffer ces lunes pour leur permettre d'abriter un océan liquide, ben c'est ce qu'on appelle les fameux effets de marée. C'est les effets de la force de gravité de la planète, tantôt Jupiter ou tantôt Saturne. La méthode scientifique, Nicolas Martin. À 16h10, nous parlons donc de ces lunes glacées qui abritent des océans sous-marins avec peut-être éventuellement de la matière organique. Alors peut-être de la voir que cette matière organique soit transformée en vie, c'est un autre débat que nous allons tout de même avoir, mais pas tout de suite. Nous en parlons avec Sébastien Charneuse et Michel Blanc. Justement, peut-être réexpliquer un peu ce que vous commenciez à dire, Sébastien Charneuse, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut comprendre que aussi loin du Soleil, sous des croûtes de glace aussi épaisses, alors l'épaisseur, on va voir que là aussi elle est débattue, elle est d'au moins quelques kilomètres en tout cas vraisemblablement, comment se fait-il qu'on puisse conserver de l'eau à l'état liquide ? Alors, pour conserver de l'eau à l'état liquide, faut être capable de chauffer un petit peu cette glace. Alors, il faut savoir que d'une manière générale, il y a un grand mécanisme de chauffage. Alors déjà, le premier mécanisme de chauffage dans le système solaire, c'est bien sûr l'éclairage dû au soleil. Voilà. Bon, alors c'est un mécanisme qui va être très efficace si vous êtes près du soleil, donc typiquement Mercure, Vénus, la Terre, voilà. Mercure, après, ça peut être un peu trop près même. Voilà. Alors oui, c'est pour la question de la vie. Mercure, ça commence même voilà, les petits organismes vont griller. Un petit peu. Alors par contre, quand vous commencez à vous éloigner du soleil, mais en fait la luminosité, c'est-à-dire l'énergie que vous recevez du soleil, décroît très très vite avec la distance. Si vous au carré. Voilà, au carré. Donc, c'est-à-dire, si vous êtes deux fois plus loin, vous recevez quatre fois moins d'énergie. Si, par exemple, vous comparez Jupiter est cinq fois plus loin du Soleil que ne l'est la Terre, donc elle reçoit 25 fois moins d'énergie par mètre carré que ne reçoit la Terre. Donc, il faut trouver une source d'énergie pour chauffer ces objets. La deuxième source d'énergie dans le système solaire, c'est la désintégration des éléments radioactifs. Donc ça, on pense que, par exemple, on a beaucoup de signes, si vous regardez les premières météorites, qu'elles ont été intensément chauffées. Et c'est pas le soleil qui a pu faire ça, on pense, c'est les éléments radioactifs. Mais le problème, c'est que ces éléments radioactifs, ils ont ce qu'on appelle une demi-vie. Il y a un moment où ben, ils disparaissent tous et ils arrêtent de chauffer. Et les éléments les plus longs, des vies radioactives qui se comptent en, typiquement en milliards d'années. Et comme le système solaire a 4,5 milliards d'années, on pense que, en tout cas pour les petits corps, pour des corps qui font genre 1000 km, c'est pas eux qui peuvent fournir l'énergie. Enfin, pour les satellites, ça c'est une spécificité des satellites, ça peut pas marcher pour la Terre, c'est une spécificité des satellites des planètes géantes. Quand vous avez un satellite qui est près d'une planète géante, en fait la force de gravité de la planète géante va avoir tendance à déformer le satellite. Alors c'est quelque chose qu'on voit sur Terre, d'ailleurs on les appelle les marées. On sait bien qu'il y a deux marées par jour si vous allez sur les côtes bretonnes par exemple, ou sur les côtes atlantiques. Eh bien pourquoi est-ce qu'il y a deux marées par jour? Parce que les océans sont déplacés par l'attraction lunaire. Donc c'est-à-dire que l'attraction lunaire déforme très légèrement la Terre. La partie la plus déformable de la Terre, c'est l'atmosphère et les océans. Et l'idée, c'est que cette déformation induite par la présence d'un autre corps... Donc là, par exemple, prenons le satellite Europe. Et Europe se trouve à côté de Jupiter. La présence de Jupiter va très légèrement déformer le satellite Europe. Et en le déformant, eh bien, vous allez faire une sorte de chauffage mécanique. Alors, vous pouvez faire l'expérience. Si vous prenez la pâte à modeler et que vous commencez vous-même dans vos mains à la déformer très, très rapidement, vous allez vous apercevoir que cette pâte à modeler va chauffer. Tout simplement, quand vous déformez une structure mécanique, elle a tendance à chauffer. Eh bien, ce chauffage, donc on appelle ça, le terme technique, c'est le chauffage de marée. Eh bien, on pense que c'est lui qui est à l'origine, justement, de chauffage de la glace. Étant entendu que l'attraction gravitationnelle d'une géante comme Jupiter est autrement plus forte que celle de notre Lune et que c'est la puissance de cette résonance. Voilà, exactement. Vous avez l'énorme champ de gravité de ces géantes, ces planètes géantes que sont Jupiter et Saturne. Et puis, celui, vous avez, il faut bien voir si vous avez l'extraordinaire proximité. C'est quelque chose qu'il faut comprendre. C'est que les satellites des planètes géantes sont fabuleusement proches de leur planète, et ils sont comparativement beaucoup plus proches de leur planète que ne le sont les planètes du Soleil. Il faut bien voir qu'ils sont à quelques dizaines de rayons planétaires, alors que nos planètes ne sont pas à des dizaines de rayons solaires. Nos planètes sont à des milliers, voire des millions de rayons solaires. Voilà. Donc c'est des systèmes très compacts. Michel Blanc, ça veut dire qu'il faut aussi écarter a priori, je vais l'utiliser beaucoup pendant cette mission, mais c'est important, a priori, le chauffage par une activité du noyau, comme on peut connaître sur des planètes telluriques. Oui, tout à fait. Je pense, comme l'a dit Sébastien, si c'était un chauffage par le noyau, il serait lié à la désintégration des radioisotopes. Et donc, celle-là, elle s'est passée et elle est terminée. Il y a un point sur lequel il faut insister aussi, c'est que ce phénomène de chauffage par les marées est lié au fait que dans le système de Jupiter, trois des quatre satellites sont en ce qu'on appelle en résonance. Oui. C'est la fameuse résonance de Laplace. Lorsque Ganymède fait un tour, Europe fait deux tours, et Io exactement quatre orbites autour de Jupiter. Et c'est cette perturbation mutuelle résonante, donc durable, entre les satellites qui maintient chacun d'eux sur une orbite elliptique, donc légèrement excentrique, qui fait que chaque satellite se balade dans le champ de gravité. Et c'est ce mouvement dans le champ de gravité qui permet d'exercer ce stress et donc, en fait, de transférer l'énergie gravitationnelle de Jupiter aux satellites pour les chauffer. Et il faut préciser, vous l'aviez abordé un petit peu, Michel Blanc, tout à l'heure, et c'est important, qu'il faut ajouter à ça l'exception thermodynamique de l'eau qui, effectivement, rend la possibilité de conserver un état liquide malgré des températures très froides quand on augmente considérablement la pression. Tout à fait. Quand on se promène dans le diagramme des phases de l'eau, en somme... On va vous le mettre pression, sur le site Twitter de l'émission. Pression, température. Mm. Ben, il suffit de descendre à l'intérieur d'un corps. Donc la pression augmente, la température augmente aussi. Et quelque part, il est presque inévitable de traverser dans le diagramme des phases la transition solide-liquide. Et même si on descend encore plus profond, il y a un phénomène très intéressant qui se produit, c'est qu'on peut retraverser une deuxième fois une frontière du diagramme des phases pour aller vers une forme de glace plus dense. Donc une forme de glace qui n'est pas celle que nous connaissons sur Terre. La glace de haute pression. On va en parler. Il y a beaucoup de conséquences sur l'habitabilité. Approchez-vous du micro un peu. Oui. Qui a beaucoup de conséquences sur l'habitabilité. À savoir. Disons que voilà, ce qu'on se comprend, voilà, alors si on aborde le sujet de l'habitabilité, ce qu'on comprend aujourd'hui en gros, si vous voulez, si on se pose la question, qu'est-ce qu'il faudrait pour pouvoir avoir un océan souterrain qui soit habitable? Alors, il faut savoir déjà que ça reste assez spéculatif parce que c'est pas quelque chose qu'on connaît très bien. Alors, on va dire, peut-être préciser tout de suite quelque chose, quand on parle d'habitabilité, on se réfère à nos connaissances de la présence de certaines souches bactériennes ou microbiennes qu'on appelle extrémophiles, qu'on a découvertes dans des sources hydrothermales, c'est-à-dire dans des conditions de pression et de température extrêmes, dont on sait qu'elles existent, et on se dit, puisqu'elles existent chez nous, il n'y a pas de raison que ces formes de vie extrémophiles ne puissent pas exister dans ce type d'environnement. C'est de ça qu'on ne parle pas de créatures aquatiques qui nagent dans l'océan. Je pense qu'on est très loin de la pieuvre ou de l'alien ou de la civilisation extraterrestre sous la glace. C'est important de le préciser. Voilà, quand on parle d'habitabilité, on est plus on serait déjà très heureux de découvrir un micro-organisme. C'est plus de ça dont on parle. Voilà. Effectivement, c'est toute la question en même temps le paradoxe de toutes les personnes qui travaillent dans le domaine de l'exobiologie, qui est une discipline très détective. C'est que on doit s'inspirer de ce qu'on connaît sur Terre pour essayer ensuite de l'extrapoler dans les contextes et les environnements très exotiques que l'on peut rencontrer, soit dans le système solaire, soit dans les exoplanètes. Voilà. Donc il y a toujours une part d'incertitude, bien sûr, parce que déjà rien que sur Terre, on ne sait pas comment la vie est apparue. On a plein d'hypothèses, mais on ne sait pas comment la vie est apparue. Et ensuite, après, ensuite, faut s'imaginer comment elle a pu apparaître dans trop d'environnements. En tout cas, pour que on puisse avoir de la vie, il est semblé le minimum d'après ce qu'on comprend de la vie sur Terre, c'est qu'il faut qu'il y ait de l'eau déjà. Il y a quatre conditions. L'eau. Voilà. Est-ce que j'en ai quatre, moi? Normalement quatre. Il vous faut l'eau, il vous faut une source d'énergie. D'énergie. Il vous faut une source d'oxydoréduction pour faire des échanges chimiques avec l'environnement. Mm-hmm. Et la quatrième. La durée. La durée, c'est très important. Voilà. Et la présence de composés organiques. Voilà. Et la présence d'éléments carbonés. Voilà. L'énergie et l'oxydoréduction, je les mettais ensemble dans mon diagramme à moi. Voilà. Alors, pour en revenir à ce qu'avait dit Michel, effectivement, c'est-à-dire que vous augmentez la pression, vous passez par l'eau liquide, et puis si vous continuez à augmenter la pression, vous pouvez repasser par une phase de glace. Bien, il y a un certain nombre de chercheurs qui disent que si au pied de votre océan d'eau liquide, vous repassez par une croûte de glace, vous risquez d'être séparé du manteau silicaté. Donc de la source organique, a priori, de la source d'oxydoréduction, de la source organique et de la source d'énergie. Et donc, une des questions qu'on se pose, c'est si justement vous avez une croûte à très haute pression de glace à la base de votre océan, on se pose la question si cette croûte ne va pas en fait bloquer les échanges entre la phase liquide et le manteau silicaté. silicatées et si ça ne pourra pas être fatal pour l'habitabilité. Ça c'est donc la théorie de l'océan sandwich entre deux croûtes de glace qui a priori stériliserait la possibilité d'agrégation de composés organiques vers une forme de vie extrémophile. Voilà, au moins serait défavorable d'après ce qu'on en comprend. On peut mettre d'emblée à peu près dans cette catégorie Ganymède, Titan. Alors, Ganymède et Titan, certainement, oui. Callisto, s'il y a un océan. Et donc, ça permet de dégager les deux exceptions, qui sont dans le système de Jupiter Europe, dont on pense que l'océan est probablement au contact du manteau de silicate directement. Donc, ça donne à Europe un statut particulier. Disons, le suspect habitable le plus probable. Et puis, Encelade, qui se trouve être dans les mêmes conditions. Alors, on va continuer à examiner un peu ces conditions, et justement, on reviendra précisément sur le cas d'Europe et d'Encelade dans quelques minutes. Il y a autre chose qui est intéressante, c'est l'étude de la surface de ces lunes de glace. On les a vues, on a des photos qui sont très belles, on voit des grandes raies, comme si la surface avait été griffée sur Europe, en tout cas, et sur Encelade également. Et on constate que dans un cas comme dans l'autre, ces surfaces de glace sont des surfaces relativement jeunes. Ce qui est intéressant, Sébastien Charnos, c'est qu'il y a peu d'impact, il y a peu de cratères d'impact. C'est donc que ces surfaces-là sont vraisemblablement renouvelées. Voilà, tout à fait, effectivement. Dans le cas d'Encelade, c'est très caractéristique. Alors, si vous regardez exactement Encelade, vous voyez comme plusieurs régions. Il y a des régions qui sont assez cratérisées. Encelade, c'est au pôle. Voilà. Donc vous utilisez bien le terme que tout le monde utilise. On parle de région jeune ou de région ancienne. En fait, c'est pas tant une mesure de l'âge, parce qu'au fond, l'âge, on ne le connaît pas du tout. Ça, c'est un truc qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'a aucune mesure de l'âge des surfaces des satellites. On n'a aucune idée de l'âge des objets dans le système solaire externe. Au contraire du système solaire interne. Et on en reparlera tout à l'heure, parce que ça peut être un problème pour la question de durée, justement. Oui. Voilà, dans le cas d'Encelade, on voit clairement des surfaces qui ont très peu de cratères. Donc ça veut dire qu'il y a dû avoir une activité en surface. Soit la surface a été renouvelée, soit quelque chose qui s'approche d'une sorte de tectonique. Mais on ne comprend pas très bien comment marcherait une sorte de tectonique des plaques. Parce que la tectonique des plaques, c'est quelque chose qu'il y a sur Terre. Mais là, on est plutôt dans un environnement glacé. Donc comment marcherait la tectonique des plaques dans une lune glacée, c'est quelque chose qui n'est pas très très clair. Mais en tout cas, on a l'impression que la surface qui a été renouvelé. Et ce qu'on voit aussi pour Europe, on voit clairement des traces d'impact sur Europe, mais il y a clairement des régions jeunes. Et on voit, alors c'est très caractéristique sur Europe, si vous regardez à haute résolution la surface d'Europe ressemble à une sorte de pulse dont les éléments étaient fracturés et légèrement déplacés les uns par rapport aux autres. Voilà. On va vous mettre des photos. Il y en a déjà eu quelques-unes de ces surfaces-là, et notamment de ce qu'on appelle les rayures du tigre au pôle sud d'Encelade, qui sont l'un des endroits où on se dit qu'il y a vraisemblablement un renouvellement. Ce qui est intéressant avec cette tectonique des glaces, c'est qu'effectivement pour le moment, on l'extrapole, parce qu'effectivement, la glace ne se comporte pas comme de la croûte océanique telle qu'on la connaît sur Terre. Ce qui est intéressant également, deuxième chef, et je vous demandais de commenter les deux, Michel Blanc, c'est que ça veut dire qu'il y a, vraisemblablement, s'il y a subduction, ça veut dire qu'il y a du matériau de la surface qui passe en dessous. Et donc, comme il y a des cratères d'impact, il y a potentiellement des molécules carbonées apportées par des impacts, par des géocroiseurs, qui pourraient d'un seul coup se retrouver sous la surface. Et en effet, cet élément, à savoir la possibilité d'un échange de matière entre la surface et l'océan, est quelque chose d'absolument essentiel dans l'idée même qu'on peut se faire de la façon dont la vie aurait pu démarrer à l'intérieur de l'océan. Si l'océan est complètement isolé, effectivement, il ne pourra faire appel qu'à ses propres ressources, si je puis dire, donc les matériaux qui sont au niveau du manteau silicaté. Et deux, en plus, nous, on n'en saura rien parce qu'on ne verra pas de manifestation à la surface, éventuellement de cette activité biologique à l'intérieur de l'océan. Donc ces échanges, et en particulier l'existence possible de fractures à travers toute la couche de glace, c'est ce qu'on voit sur Encelade en particulier avec les rayures de tigre, c'est un élément tout à fait essentiel. Avec Cassini, on a même vu un spectacle absolument extraordinaire qui est qu'à travers ces rayures de tigre émergent des grands geysers qui viennent alimenter finalement tout l'environnement spatial de Saturne. Tout le long de l'orbite d'Encelade, on voit la traînée de cette eau qui est projetée depuis la surface d'Encelade. Alors parlons-en de ces geysers. Ça aussi, c'est surprenant. Les geysers tels qu'on les connaît, c'est des projections d'eau bouillante dans l'atmosphère terrestre. Là, on est à des températures qui sont de quelques centaines de degrés Kelvin, donc très très bas en degrés Celsius. On est à moins 100, moins 120, moins 180, moins 200. Qu'est-ce que c'est que ces geysers, Michel Blanc ? Oh, mais c'est de l'eau, c'est de l'eau liquide. La source d'énergie provient probablement d'effets de sources hydrothermales qui sont sur plancher océanique d'Encelade. Et donc après, ils sont accélérés dans une espèce de tuyère, comme on voit sur Terre, hein, à travers des chenaux, qui amènent l'eau à la surface. Et ensuite, elle est projetée simplement par un effet de pression. Mais elle monte très très haut, plusieurs milliers de kilomètres, si je me rappelle bien. Et Cassini a permis d'avoir une analyse spectroscopique. On sait ce qu'il y a dans ces geysers, il n'y a pas que de l'eau. Alors, c'est essentiellement de l'eau, mais Cassini a permis de voir par spectroscopie et aussi en traversant ces geysers, puisqu'on a, on a fait des traversées directement, le matériau solide et gazeux de ces geysers. Et donc, il y a des éléments lourds qui correspondent en gros aux différentes... aux différents atomes dont on a besoin pour constituer les molécules de la vie. C'est il semble aussi qu'on a détecté du sel. Je me souviens de ce résultat, on a détecté du sel dans les geysers d'Encelade. Et donc, en rebondissant... Du sel du sodium ou des sels NaCl. NaCl, d'accord. Okay. Donc, du chlorure de sodium. Du sel de table. Très grossièrement. Oui, dans du sel NaCl, du chlorure de sodium. Et donc, justement, une des conclusions qui avait été portée sur Encelade et qui en faisait un des candidats particulièrement intéressants pour l'exploration, pour l'habitabilité, c'est que si le chlorure de sodium NaCl est connu effectivement comme un produit que l'on obtient si vous hydratez du matériau silicaté. Donc ce qui semble dire que l'océan souterrain d'Encelade, donc ce qui va dans le sens comme quoi l'océan souterrain d'Encelade sera en contact avec le manteau silicaté d'Encelade. Donc ça c'est très bien par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure pour justement alimenter en sels minéraux cet environnement, ce qui est très bon pour la vie. Voilà. Ça, ce qui répond en tout cas vraisemblablement, encore une fois, a priori, à la question de l'activité géothermique sous-marine sur Encelade. Sur Europe, c'est moins clair. On pense qu'on a vu, Hubble notamment, je crois, a photographié des geysers sur Europe, mais il reste pourtant des points d'interrogation plus importants que sur Encelade, Michel Blanc. Alors effectivement, il y a eu des observations qui ont montré la possibilité d'une activité de GER intermittente. Clairement, je ne pense pas que ça soit là tout le temps. Hubble a permis de voir que, par exemple, quand on regarde une étoile très très près de la surface d'Europe, hein, je parle d'Europe là, il y a des effets d'absorption qui peuvent être expliqués par la présence d'un geyser. Mais on ne le voit pas souvent. Suite à cela... des chercheurs américains ont eu l'idée de se dire, mais au fond, avec Galileo, on est peut-être passé à travers ces geysers sans le savoir. Et donc, ils ont réanalysé les données du magnétomètre en particulier, qui est sensible à toutes les perturbations liées à CG, puisque c'est sur Encelade, c'est comme ça qu'on a découvert les geysers. Et ils ont découvert deux ou trois cas où, effectivement, les fluctuations magnétiques observées par Galileo seraient explicables par la présence de petits geysers, de geysers de petite taille, émis à travers les failles d'Europe. Mais c'est une hypothèse. C'est une hypothèse raisonnable. Raisonnable. Sébastien Charnoz. Oui, effectivement, les geysers d'Europe ont été découverts récemment. Ils semblent être plus petits et moins spectaculaires que les geysers d'Encelade. Faut dire que dans le cas d'Encelade, les geysers d'Encelade produisent énormément d'énergie. D'ailleurs, quand on les a découverts, donc si je me souviens bien, on devait être en 2005, peut-être 2005-2006 à peu près, quand on les a découverts, d'ailleurs, c'était une des grandes questions, c'est quelle est la source d'énergie des geysers d'Encelade ? Parce que la puissance énergétique des geysers d'Encelade a été estimée à peu près 10 gigawatts, ce qui, si je ne dis pas de bêtises, c'est à peu près la puissance d'une petite centrale nucléaire. Extrêmement énergétique. Et c'est pas facile de produire 10 gigawatts pour un objet qui est constitué principalement de glace à 80 Kelvin en surface. Et donc, en fait, ce qui a été découvert, c'était que vous avez un espèce de... Je pense que c'est assez intéressant, je rebondis un peu sur ce qu'avait dit Michel tout à l'heure, c'était l'influence des perturbations mutuelles entre les satellites des planètes géantes. Donc, entre les satellites de Jupiter, vous avez cette fameuse effet de résonance, les perturbations mutuelles entre Io, Callisto, Ganymède, Europe, qui les excitent. Et entre les satellites de Saturne, Encelade est en résonance, si je me souviens bien, avec Tétis, si je ne dis pas de bêtises. Donc Tétis, ça va perturber l'orbite d'Encelade. L'orbite d'Encelade va te mettre sur une orbite plus elliptique. Se mettant sur une orbite plus elliptique, il va être déformé par les marées. Et c'est là où je trouve que c'est très joli, parce que à cette époque, on a dit, bon, ben voilà, Encelade est déformé par les marées, mais on connaît, on a une estimation de la puissance des marées de Saturne. Les marées de Saturne ne sont pas suffisantes pour expliquer 10 gigawatts qui sortent à la surface d'Encelade. Et ensuite, il y a eu une réévaluation qui a été faite des marées de Saturne, en particulier par des chercheurs français à l'Institut de mécanique céleste, et ensuite plus tard par des chercheurs au JPL, qui ont découvert, en fait, que Saturne dissipait 10 fois plus d'énergie qu'on ne le croyait, dû aux effets de marée. Alors c'était un grand débat en fait dans la communauté scientifique parce que ça a beaucoup d'implications sur la structure interne des planètes géantes. En fait, on ne sait pas très bien d'où vient cette dissipation. Par exemple sur Terre, c'est assez intéressant, la majeure partie de la dissipation thermique due aux marées terrestres vient du plancher océanique. Donc on est dans les premiers 10 km de la surface de la Terre. Et de manière très amusante, la majeure partie de sa dissipation vient du golfe de Gascogne, qui est une des zones les plus dissipatives sur Terre. Intéressant. Voilà. Okay. Donc, les détails de la dissipation interne des planètes géantes jouent sur la dissipation de Saturne, et cette réévaluation semble aujourd'hui expliquer en fait d'où viennent les 10 gigawatts. Voilà. Upside down and inside out and on a leash, like a funnel web, like a black fly on the ceiling. Skinny white haunches high and skyward, and a black oily gash crawling backwards across the carpet to smash all over everything. Wet black fur against the sun going down, over the shops and the cars and the crowds and the town. And this is the moment, this is exactly where she is born to be. This is what she does, and this is what she is. And this is the moment, this is exactly what she's born to be. This is what she does, and this is what she is. Exactly what she is born to be. And this is what she does, and this is what she is. And this is the moment, this is exactly what she is born to be. This is what she is, and this is what she does. Rings of Saturn de Nick Cave sur France Culture à 16h35, puisque nous parlons, alors pas exactement des anneaux, mais nous parlons des satellites de Saturne et de Jupiter, et de certains satellites particuliers, leurs lunes glacées, dont certaines ont des océans liquides sous leur surface de glace, et qui pourraient être propices éventuellement à l'apparition de certaines formes de vie très primordiales, très extrémophiles, mais tout de même, en tout cas, d'avoir un certain nombre de molécules organiques à l'intérieur de ces océans. Nous en parlons avec Sébastien Charnos, qui est chercheur à l'Institut de Physique du Globe et enseignant-chercheur à l'Université Paris Diderot, et avec Michel Blanc, qui est chercheur à l'Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie et professeur visiteur, visiting professeur au National Space Science Center de l'Académie des Sciences de Chine à Pékin. Alors nous allons, on a un peu écarté de facto Titan, Ganymède et Callisto, notamment pour ce problème de l'océan sandwich pris entre deux couches de glace qui empêcherait un contact avec un sol, un plancher océanique, et donc avec une possible activité géothermale qui est nécessaire à l'apparition de ces formes de vie extrémophiles. On va donc se concentrer sur Encelade et Europe, celles qui sont a priori les meilleures candidates, et on parle encore une fois avec beaucoup de prudence pour réunir des conditions d'apparition d'une vie microbienne extrémophile, a commencé donc par Encelade, le satellite de Saturne dont la mission Cassini-Huygens a fait plusieurs survols et a rapporté de précieuses données. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes rendu au Latmos pour comprendre la géodynamique d'Encelade. Oui, une géodynamique très intense selon les données récoltées à la fin de la mission Cassini et en particulier à son pôle sud. Alice Le Gall travaille sur les observations dans le micro-ondes, des observations qui ont montré à ce niveau-là des panaches de gaz jaillissant de failles profondes qu'on appelle les rayures du Tigre. Ces jets sont composés de glace d'eau et de sel de sodium, entre autres, et seraient témoins d'une activité sous-jacente, celle d'une mer souterraine assez agitée sous la glace. Alors la surface d'Encelade, c'est essentiellement de la glace d'eau. Et on en a pris des images, je crois que les meilleures images prises par la sonde Cassini, c'est quelques mètres de résolution. Et on voit une surface assez chahutée. Et on voit surtout au niveau du pôle sud, une surface jeune, très peu cratérisée, avec des failles, clairement de la, ce qu'on pourrait appeler de la tectonique, même si ce n'est pas de la tectonique des plaques. C'est-à-dire que dans les années 2005, la sonde a survolé finalement les satellites. On a pu obtenir des informations sur la surface. Pour un petit corps comme ça, il y a quand même beaucoup d'activité. Voilà, il y a une source de chaleur et d'énergie interne qui fait qu'Encelade aujourd'hui est un corps actif. Cette source d'énergie et de chaleur, c'est en premier lieu les forces de marée qu'exerce Saturne sur Encelade, qui a une orbite très elliptique autour de Saturne et donc qui, au cours de cette orbite, est déformée, son intérieur est malaxé, on va dire, et ces frictions vont générer de la chaleur. Et c'est ce qui explique l'existence d'un océan sous la croûte glacée d'Encelade. Donc c'est un océan d'eau liquide, salée, et a priori en contact avec le noyau rocheux d'Encelade. On le sait notamment parce qu'on a détecté dans ces panaches de matière des nanoparticules de silice qui, a priori, ne peuvent s'être formées qu'au fond d'un plancher océanique avec de l'activité hydrothermale. Ces geysers, ces dégagements gazeux que vous mentionnez, est-ce qu'ils ont été repérés de manière régulière autour de la surface ou sur des zones beaucoup plus concentrées au pôle sud ou voilà, donc, les geysers d'Encelade vraiment émanent du pôle sud, donc de ces quatre grandes failles qu'on appelle les rayures du Tigre, qui sont des failles de 100 km, plus de 100 km de long, 2 km de large et puis très très profondes. Et la matière qui est éjectée, alors on le sait parce que la sonde Cassini est carrément passée dans ces panaches et donc les a littéralement sniffées. Et aussi, on connaît la composition de ces panaches parce que la sonde a aussi collecté des échantillons de l'anneau E de Saturne, qui est un des anneaux les plus diffus et qui en fait est alimenté par les geysers. Les geysers envoient dans l'espace donc de la matière qui va former l'anneau E de Saturne. Et donc cette matière, c'est essentiellement de la glace d'eau, très pure. Et puis il y a des très importants, des sels de sodium aussi, et ces particules de silice dont je vous parlais qui témoignent d'une activité hydrothermale au cœur même d'Encelade. Alors la mission Cassini a été clôturée en septembre 2017, mais il y a beaucoup d'analyses à faire sur les observations. Qu'est-ce que vous faites exactement avec ces observations ? Donc exactement, la mission Cassini a duré 13 ans et demi, mais on a 13 ans et demi de données. Et moi, je travaille particulièrement sur les données collectées par le radar de Cassini. Alors, il y a deux types d'observations faites par le radar. Il y a des observations dites actives et des observations passives. Dans le cas des observations actives, le radar émet des ondes vers la surface. Ces ondes donc vont au contact avec la surface être réfléchie, être diffusée, une partie va même pénétrer dans la sous-surface et le radar va mesurer les ondes qui reviennent en fait dans sa direction, dans ce qu'on appelle la direction de rétrodiffusion. Et ce qui est apparu avec ces mesures, c'est que Encelade était, mais de loin, le corps dans les micro-ondes le plus brillant du système solaire. Donc ça veut dire deux choses, ça veut dire que sa surface et son sous-sol sont particulièrement transparent aux micro-ondes, donc constitué en gros de glace très très pure, extrêmement pure. Et deuxièmement, qu'il y a dans ce sous-sol des structures qui vont rétro-réfléchir les ondes qu'on envoie, c'est-à-dire qui renvoient dans leur direction d'arrivée les ondes que le radar a envoyées. Voilà, des structures qui ont un effet boomerang en fait. Et ça, on ne sait pas. On ne comprend pas bien quelle structure. Est-ce que ça peut être plein de fractures de taille, disons, centimétrique ? Est-ce que c'est des inclusions, des bulles de gaz, encore une fois, hein, de la taille de la longueur d'onde, donc quelques centimètres ? Est-ce que c'est des structures plus exotiques ? On ne sait pas bien encore. Maintenant, je peux parler des données passives du radar. Alors là, on a une image vraiment sur une de ces failles en bleu. Voilà, alors c'est pas sur les failles, les rayures du Tigre dont je vous parlais, c'est un peu plus au nord, les rayures du Tigre sont là. Donc dans ce mode passif, en fait, le radar n'émet aucune onde, il va écouter les ondes qu'émet naturellement la surface d'Encelade. Et ces ondes, elles sont émises par c'est ce qu'on appelle l'émission thermique micro-ondes de la surface, et elles vont nous donner une information en particulier sur la température de la surface et aussi un peu dans le sous-sol, quelques mètres. Alors, comment se fait le travail sur les images, l'analyse ? Alors, le radar, quand on traite les données d'une certaine façon, on peut faire ce qu'on appelle des images SAR, c'est synthèse synthétique aperture radar. Donc là, ça fait des images, mais moi, je regarde plutôt les données par là où elles ont été acquises. Donc, ce que je vais regarder, c'est la mesure, le niveau de... dans le cas des mesures actives du retour, du signal de retour, et dans le cas des mesures passives, de la température mesurée, et comparer ça à des modèles qui nous permet par extrapolation de voir quand est-ce que, à quelle profondeur on est dans des conditions qui permettent d'avoir de l'eau liquide. En fait. Donc en fait, ce qu'a montré le radar dans son mode passif ici avec cette observation, c'est qu'il y avait, outre ces quatre failles d'où émanent les lasers, d'autres zones du pôle sud qui étaient anormalement chaudes, alors pas forcément à la surface, mais juste sous la surface. Et en mesurant l'amplitude de cette anomalie, on a pu en déduire que la couche de glace au niveau du pôle sud pouvait n'être que de quelques kilomètres, alors qu'il y a quelques années encore, on pensait qu'elle était de plusieurs dizaines de kilomètres. Donc ça veut dire aussi que cet océan salé est beaucoup plus accessible que ce qu'on pensait il y a peu. Voilà l'analyse au Latmos de ces données de la sonde Cassini-Huygens sur cette lune de Saturne Encelade et notamment sur ses rayures du Tigre. Peut-être une réaction simplement à ce que vous venez d'entendre l'un et l'autre, Michel Blanc. Oui, c'est quelque chose de fascinant, effectivement, qu'on ait pu non seulement dans un premier temps découvrir cette activité qui était totalement insoupçonnée. Ça a été, je pense, la grande surprise de la mission Cassini, en fait. Et ensuite, progressivement, comprendre de mieux en mieux ce qui se passe, jusqu'à passer dans le GZR, faire des mesures et voir finalement en direct le matériau qui est émergent. Et puis comme ça vient de nous être dit, utiliser tous les moyens à bord, en particulier le radar et la radiométrie, pour caractériser tout ça. On entend plein de particularismes dans Encelade, hein, son albédo qui est quasiment égal à 1, c'est-à-dire qui renvoie quasiment toute la lumière, ce qui laisse entendre effectivement une glace extrêmement pure. En quelle mesure ça nous renseigne, Sébastien Charnos, justement sur la possibilité d'agrégation de matériaux organiques sous la surface de glace? Faut savoir que d'une manière générale, le fait que ça, c'est vraiment une des caractéristiques les plus étonnantes du système de Saturne, c'est l'extraordinaire réflectivité non seulement des anneaux, parce qu'en fait il n'y a pas que Encelade qui a cette propriété de pouvoir réfléchir la lumière avec une telle efficacité, avec une efficacité de plus de 99%. C'est une caractéristique qui est partagée par la quasi-totalité des lunes glacées de Saturne, Mimas, Tétis, Encelade, Dionée, Rhéa, et également les anneaux de Saturne ont aussi cette propriété. Et justement, là, il y a un peu un grand mystère, c'est où se cache la matière organique. Il faut savoir que, par exemple, il y a 6 mois, il y a eu un certain nombre de papiers qui sont sortis de l'analyseur de particules qui était à bord de Cassini. Vous savez, quand Cassini a été projeté dans l'atmosphère de Saturne, Cassini est passé entre la planète et les anneaux. Mm-hmm. Et là, on a détecté... À plusieurs reprises, oui. À plusieurs reprises, mm-hmm. Tout à fait. Une série d'orbites qu'on a appelées grand final. Oui. Qu'on a suivi ici, on va vous mettre le lien, on a consacré une émission entière à ce grand final de la sonde Cassini-Huygens. Voilà, tout à fait. Et donc il a fallu 6 mois, 1 an pour dépouiller les données. Et un des résultats les plus étonnants qui a été publié il y a quelques mois dans une série de papiers, c'est que plusieurs instruments ont détecté une très grande quantité de matière organique qui semble en fait tomber depuis les anneaux jusque vers la planète. Et on ne sait pas très bien, en fait, déjà cette matière organique dans les anneaux, en fait on ne la voit pas très bien. On a l'impression que si elle existe, elle occupe moins de 1% de la masse des anneaux, alors qu'elle occupe 2/3 de la masse des poussières qui ont l'air de tomber sur la planète. Et sur Encelade, cette matière organique, en fait, elle n'est pas extrêmement visible. Elle a été détectée en particulier dans les geysers. La question, c'est où se cache la matière organique dans ce système? Et ça, c'est pas très clair. Et c'est une question qu'on pourrait même étendre à une extension que je me permets de faire à titre personnel jusqu'à Titan. On sait que l'atmosphère de Titan est, par contre, au contraire, est riche en matière organique au point où on a invoqué... Titan qui est le seul satellite du système solaire à avoir une atmosphère, rappelons-le. Tout à fait. Le plus plus grand satellite de Saturne est le seul à avoir une atmosphère extrêmement dense et en plus très riche en matière organique. Et, riche à tel point que on a supposé pendant des années, et finalement Cassini l'a confirmé avec succès, qu'il devait y avoir des surfaces de matière organique liquide à sa surface. Des océans de méthane. Voilà, des océans de méthane et en fait finalement, voilà, on en a trouvé. La question, c'est d'où vient cette matière organique? Est-ce que c'est une matière organique qui est héritée, qui a été incorporée dans le système saturnien au moment de sa formation? Pourquoi elle paraît si peu présente en surface? C'est une vraie question. Par exemple, si vous regardez le système saturnien, que vous le comparez par exemple aux satellites d'Uranus et Neptune, les satellites d'Uranus et Neptune, ils sont extrêmement sombres. Au contraire, c'est pas des albédos. L'albédo, c'est pas des réflectivités de 99%, c'est des réflectivités qui sont de l'ordre du pourcent sur Uranus et Neptune. Donc, où se cache-t-il? C'est vrai que le système de Saturne semble extrêmement brillant et on ne sait pas très bien pourquoi. Et ça, c'est un des mystères, c'est toujours un des grands mystères de Saturne à l'heure actuelle. Une question tout de même, avant de voir les limites de la possibilité justement de l'apparition d'une forme de vie dans l'océan d'Encelade. On a entendu, pourquoi est-ce que l'activité géothermale se concentrerait-elle au pôle? En fait, c'est assez contre-intuitif, puisqu'au pôle sur Terre, c'est là où il fait le plus froid. Manifestement, sur Encelade, ce serait l'inverse. Ce serait finalement au pôle que la croûte de glace serait la moins épaisse. Est-ce qu'on peut l'estimer d'ailleurs, l'épaisseur de cette croûte de glace, ou est-ce que pour le moment, c'est une estimation au doigt mouillé? Michel Blanc. Je crois qu'il y a des estimations, si je ne me trompe, de l'ordre de la vingtaine de kilomètres, quelque chose comme ça. Et c'est plus épais au pôle Nord. Donc il y a une forte dissymétrie entre le pôle Nord et le pôle Sud. Alors, il faut savoir que ça n'a rien à voir avec l'éclairement, bien sûr, parce qu'à une telle distance du Soleil, l'éclairement solaire ne joue aucun rôle. Les rayures du Tigre étant au pôle Sud, rappelons-le. Voilà, donc le pôle Sud actif, le pôle Nord, il est cratérisé. Donc c'est un monde complètement différent. Et ça doit traduire une organisation de la convection qui redistribue la chaleur, qui a un mode asymétrique, disons. Je ne sais pas si on a totalement compris. Alors, je rappelle, il y a un papier qui est sorti une dizaine d'années par un chercheur américain qui s'appelle Francis Nimmo, qui lui avait une explication là-dessus. L'idée étant, alors ce qu'il proposait, c'était que s'il y avait eu un impact, imaginons la surface qui avait créé une zone un peu dépressurisée sur Encelade, il a montré qu'il y avait une espèce d'instabilité mécanique qui ressemble un peu à l'instabilité qu'on a avec des toupies. C'est-à-dire que si vous avez un endroit qui est un petit peu moins dense à la surface de satellite, naturellement, votre satellite va se mettre à se basculer et à faire aller cet endroit un peu moins dense à l'un de ses pôles. Et c'est l'explication qui était proposée pour expliquer que cette zone un peu moins dense, là où on observe les geysers, se retrouve au pôle. Donc c'est peut-être le satellite qui a basculé pour mettre en fait cette zone au pôle. Mais bon, c'est ce qui a été proposé. Un mot pour en conclure avec Encelade et pour avoir le temps de parler d'Europe et surtout des missions qui vont aller notamment explorer Europe. La question centrale en fait pour Encelade, on voit qu'on a à peu près tout les caractéristiques qui pourraient donner potentiellement lieu à une poche d'habitabilité. On l'a dit tout à l'heure, on a vraisemblablement l'activité géothermale, on a donc l'énergie, on a les matières organiques, on a l'eau liquide, bref, on a tout. La question, Michel Blanc, c'est la question de la durée, parce que peut-être, et moi j'ai découvert ça en préparant cette émission, peut-être qu'Encelade est extrêmement récente dans l'histoire du système solaire. En effet, ça c'est une des interrogations qu'on a eues finalement plutôt à la fin de la mission, en essayant de comprendre le système de Saturne dans son ensemble, les anneaux, les satellites et les échanges de matière entre les deux. C'est qu'on n'est pas du tout sûr, en effet, qu'Encelade était là au moment de la formation de Saturne lui-même. Et on ne sait pas trop à quel moment il s'est formé. Donc, bien sûr, si Encelade est jeune, entre guillemets... Jeune, ce serait 300 millions d'années, voilà. Ce qui, à l'échelle du système solaire, qui en a 4 milliards et demi, est très jeune. C'est jeune aussi pour avoir le temps de former la vie, puisque sur Terre, bon, mais évidemment, les conditions de la Terre primitive étaient très différentes, mais sur Terre, la vie est apparue à peu près 500 millions d'années après la formation de la Terre. Donc, c'est très court pour former la vie. Je ne sais pas ce qu'en pense Sébastien. Sur cette question de l'âge du système saturnien, attention, faut distinguer l'âge des surfaces de l'âge des lunes. Okay. Bien sûr. La surface de la Terre, si vous l'estimez l'âge de la Terre en mesurant les roches que vous avez dans les plateaux continentaux, ça va être un âge qui va être de l'ordre de entre 10 et 100 millions d'années, alors que la Terre, elle a plutôt 4,5 milliards d'années. Donc effectivement, il y a un grand débat à l'heure actuelle, un débat extrêmement dynamique justement sur l'âge du système saturnien. Je pense que c'est un débat, il est un petit peu encore tôt pour le fermer, parce que c'est un système qui est très complexe. On sait que quand les satellites, l'excitation mutuelle des satellites va avoir tendance, en fait, à chauffer leur surface et à faire disparaître tout cratère, donc les faire sembler un petit peu plus jeunes. Donc ça, déjà, ça va les rajeunir, voilà, c'est un peu comme s'ils mettaient de la crème hydratante. Voilà. Beaucoup de crème hydratante, voilà. Très efficace. Voilà. Premièrement. Deuxièmement, on sait qu'il y a beaucoup d'effets dynamiques complexes. Et il faut savoir que quand vous avez évoqué un âge de 300 millions d'années, ces âges, en fait, ils sont estimés à partir de modèles. C'est-à-dire que si mon modèle est bon, je peux expliquer l'orbite d'Encelade en lui donnant un âge de 300 millions d'années. Donc, on sait que ces modèles, ils sont pas très bien contraints. Donc, je vous dirais que, en résumé, il y a un certain nombre de faisceaux de preuves qui semblent dire que le système des satellites et des anneaux de Saturne sont plus jeunes que Saturne elle-même. Ça, je pense que ça semble être de plus en plus établi. Ensuite, est-ce qu'ils ont 100 millions d'années ou plutôt 3 milliards d'années ou 2 milliards d'années? Je pense que c'est un petit peu tôt pour le dire parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas sur le système. On va parler d'Europe pour conclure. Alors Europe, pour le moment, c'est la candidate principale. En grande partie parce qu'elle est plus près, qu'elle est plus accessible. Ça, on y reviendra sur les missions, que c'est beaucoup plus simple d'envoyer des satellites sur Jupiter et beaucoup moins cher que sur Saturne. Aujourd'hui, il y a une question qui se pose, je me retourne vers vous Michel Blanc, ce serait là pour le coup la question de l'activité géothermale. Il y a un chercheur américain qui estime que Europe, compte tenu de sa taille, compte tenu de la densité du noyau rocheux, serait trop dure, qu'il faudrait appliquer des forces trop puissantes pour pouvoir susciter véritablement de la tectonique ou une activité géothermale ou volcanique sous-marine, qu'en est-il? Je pense que là aussi la question est ouverte et plutôt que de vous donner une réponse aujourd'hui, j'ai envie de dire attendons la prochaine mission. Alors parlons-en de ces missions. Et en particulier la prochaine mission en ce qui concerne Europe, c'est la mission Europa Clipper de la NASA. Laquelle des deux? Il y en a deux, il y a JUICE de l'ESA et il y a Europa Clipper de la NASA qui ont toutes les deux été un peu reportées. Où on en est du calendrier, Michel Blanc, justement, de ces missions? Donc l'idée c'est que la mission JUICE de l'ESA va aller faire une exploration très très rapprochée et détaillée de Ganymède. Donc l'autre JUICE lune océan. Pour Jupiter Icy Moon Explorer. Et donc là, on va vraiment caractériser Ganymède en se mettant en orbite et en regardant Ganymède de très près. Donc on va cartographier l'ensemble de la surface, mais aussi on va étudier le champ de gravité, on va étudier le champ magnétique, qui sont des moyens qui nous permettent en fait de quelque part voir à l'intérieur. Et donc on pourra voir à l'intérieur non seulement la profondeur et l'épaisseur de ces océans, et c'est la même chose pour Europe, mais aussi les irrégularités de la surface du manteau, soit de glace, soit de silicate. Donc on aura une idée de la topographie, de l'interface entre l'océan et le manteau. Voilà, et dessous, c'est-à-dire que pareil, voilà. La surface, c'est pas du tout comme ce qu'on imagine de l'Arctique, c'est-à-dire de la glace plate, etc. Au contraire, on pense que ce sont des surfaces très très accidentées parce que ce sont des glaces de haute pression qui sont faites au contact de températures extrêmement basses. Voilà, et ça, je pense que ça nous donnera quand même une idée sur, disons, le niveau de développement de la convection et éventuellement la présence de sources hydrothermales pour Europe à la surface du manteau silicaté. Sur ces missions, rapidement, Sébastien Charnoz, alors une question peut-être un peu plus large que ces missions. C'est vrai qu'il y a eu un regain d'espoir un peu intense en disant mais peut-être qu'effectivement on va trouver des formes de vie primitives dans ces océans. On a l'impression qu'aujourd'hui on est un peu revenu à l'étage d'en dessous en se disant oula, attention, modérons quand même. Il y a potentiellement des conditions réunies, mais il faut peut-être pas aller trop loin. Je pense que l'expérience martienne nous a appris à être prudents. Voilà, parce que c'était un peu le discours qu'on tenait sur Mars depuis 15-20 ans. On pensait que aller sur Mars, on pensait que dès qu'on arriverait à poser le pied sur Mars, comme on a tellement de traces d'érosion thermale, il y avait quand même un état d'esprit, je me rappelle, dans les années 90, peut-être toi Michel, tu t'en souviens, tu l'as vécu plus intensément que moi, on s'attendait quand même à trouver relativement rapidement, ça paraissait raisonnable peut-être, de la matière organique. Des traces de la matière organique, et finalement, jusqu'ici, Pour l'instant, on n'a quand même pas trouvé grand-chose. Voilà. Donc, je pense que tout ça, ça nous juste a pris. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de vie sur Mars, mais ça veut juste dire que peut-être que ce qu'on cherche est plus subtil que ce qu'on le croit. Je pense que cette attitude, elle est parfaitement raisonnable. Et quoi qu'il arrive, si on va aller sur Europe avec Europa Clipper, on va aller sur Ganymède avec Juice. Europa Clipper, normalement, le lancement était programmé en 2020, mais il a été retardé, je crois. Non, ou c'est toujours 2020? Maintenant, tout le monde part en 2022. Si 2022, hein, 2022, ça, et les deux Juice. C'est Europa Clipper. Ouais, mais comme on va pas percer cette croûte, ou comme on va pas se poser sur la surface, vous savez, aujourd'hui, le nouveau Graal dans l'exploration planétaire, enfin, un des Graals, c'est le retour d'échantillons. À l'heure actuelle, il y a que les Japonais qui sont capables de faire ça, et il y a la sonde américaine en ce moment qui s'appelle Osiris-Rex. Ce qu'on aurait souhaité, c'est faire un retour d'échantillons de ces satellites glacés, mais on n'a pas la technologie. C'est très dur pour tout le monde. Voilà. Donc, je pense qu'on va avoir des éléments de réponse là-dessus, mais vraiment trouver, vous savez, détecter la matière organique en télédétection ou un micro-organisme, je pense pas que ce soit un micro-organisme en télédétection, ça va pas être très simple. Donc, je pense qu'on va apporter des éléments de réponse, mais je ne pense pas qu'on aura une réponse définitive sur est-ce qu'il y a des micro-organismes dans l'océan souterrain d'Europe avec l'émission Carib. Il y a la Chine s'intéresse aussi, Michel Blanc, hein, à ces satellites. Il y a potentiellement une mission qui pourrait s'intéresser peut-être à Callisto. Alors justement, oui, parce que l'Europe et les États-Unis s'intéressent beaucoup à ce qu'on appelle l'habitabilité. Donc les candidats sont bien sûr Europe et Ganymède. Mais il y a une autre grande question qui est comment ces systèmes se sont formés? Quelle est leur histoire? Et en particulier leur histoire primitive. Comment se sont assemblés les satellites au sein de la nébuleuse au centre de laquelle Jupiter et Saturne se sont formés? Et pour répondre à ça, eh bien, il faut faire à peu près le contraire, d'aller voir les objets habitables, il faut aller voir les objets les plus primitifs. Alors, il se trouve que Callisto, justement, si vous regardez la surface de Callisto, est très très différent morphologiquement de ses collègues, si je puis dire. Il est cratérisé, c'est un objet dont on pense qu'il a peu évolué depuis la formation de Jupiter. Donc, aller voir Callisto, c'est interroger l'histoire, en fait, de la formation de Jupiter. Et c'est ça que nos amis chinois envisagent de faire, parce que ça sera quelque chose de totalement complémentaire à ce que font les Européens et les Américains. Très intéressant. Une autre question scientifique. Et avec cela, ils pourront rentrer dans la danse, finalement, de l'exploration de Jupiter. Pour conclure, on avait, quand on s'intéresse à ces questions des lunes glacées, on voit alors à des horizons très lointains, hein, des missions possibles avec l'envoi d'une sonde sous-marine, c'est de la pure science-fiction, Sébastien Charnoz. Envoyer oui, quelque chose qui puisse passer sous la glace et aller voir ce qu'il y a en dessous. Il n'y a aucun des auditeurs de France Culture qui verra une sonde sous-marine dans l'océan d'Europe. De son vivant. Sauf si, comme le disent les transhumanistes, l'homme qui vivra 1000 ans est déjà né. Si tu as d'autres questions à laquelle on aura la réponse, oui, Michel Blanc. Juste un mot, je pense que la prochaine étape, après ces orbiteurs qui vont caractériser ces objets, c'est déjà d'aller se poser à la surface. Et même si on ne ramène pas des échantillons, on a des moyens de faire des analyses in situ. Europe est le candidat le plus sérieux parce que quelque part c'est le plus proche et que c'est celui dont on sait qu'il a l'histoire, la durée pour lui. Donc aller se poser sur Europe et essayer de caractériser des traces de la vie, c'est une prochaine étape extrêmement complexe, extrêmement ambitieuse, mais à laquelle on réfléchit déjà. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Sébastien Charnoz, merci Michel Blanc d'être venu nous parler de ces lunes glacées. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Céline Lezen, Antoine Beauchamp, Éléonore Pérez, Noémie Naguette-Saint-Vulfran, Eve Etienne, Olivier Bétard à la réalisation, Élise Leu à la technique. Dans le prochain épisode de La Méthode Scientifique, demain on va parler encore d'espace puisqu'il y a cette petite excitation qui monte, puisque demain à 15h sera faite l'annonce tant attendue autour de la possible première image directe d'un trou noir supermassif, peut-être celui de notre galaxie, peut-être celui d'une galaxie un peu plus lointaine. En tout cas, nous consacrerons une édition spéciale du Journal des Sciences demain au début de l'émission. Et puis, vous pourrez vous renseigner en direct à partir de l'annonce à 15h sur notre site franceculture.fr. Pour le reste, bien demain, nous parlerons d'un tout autre sujet puisqu'il sera question du déploiement de la 5G, des investissements massifs pour quelques mégaoctets en plus. On en parle demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.